C'est pour ça que les frères sabotent. Je fais renaître l'espoir parmi les miens comme Big Saga. Ça dégoûte grave, c'est le son de la riposte. Y'a plus de boss, Tyson peut se faire coucher par la Rancroft. On a plus de rêve, c'est pour ça que les frères sabotent. Je fais renaître l'espoir parmi les miens comme Big Saga. Ça dégoûte grave, c'est le son de la riposte. Y'a plus de boss, Tyson peut se faire coucher par la Rancroft. On n'enterre pas le soldat sans avoir pris son pouls. On meurt qu'une fois, tu sais, et t'en as rien à foutre. Sur les chemins de Shaitan, notre avenir est mal barré. Comme la décharge de souffrance de ce 9 mètres carrés. Un tonka rêve pour la survie. Une fois le tonka F, on se barre sur les plages de la Floride euphorique. Ça danse la rage sur les trottoirs en chorégraphie. Influent comme la cité phocéenne dans les 70s. C'est pire que 7, nos rues sont meurtrières. Les morts dans les quartiers se valent quand les balles pleuvent. Comme des prières, négro, j'suis pas né d'hier. J'connais tous vos sevilles. Le fils de tour s'est cassé dans la serrure de mon tonji. Quand j'entends le bruit du tonki et que j'vois le flingue qui dépasse, je vois les vides s'y venir. Quand j'ai Peggy et le T-Max, j'vais tout faire sauter comme le TA. Cherche à faire du chiffre sans passer par un PH. Paix à vos âmes, Yves et Willy. Hendek aux gens art, s'il peut vous briser, c'est qui vous divise. J'ai l'esprit de famille et le sens du partage. Moi, je sème la terreur comme le squad à Cartagena. Égal à la Carna, c'est le coup de feu qui mène au cimetière. J'ai le train de vie qui déraille sur un barrage ferroviaire. À grossirer les pompes de celui qui contrôle. Tu ne seras jamais personne, tu n'auras jamais le bon rôle. El Général, on n'a plus de rêve, c'est pour ça que les frères sabotent. Je fais renaître l'espoir parmi les miens comme Big Saga. Ça dégoûte grave, c'est le son de la riposte. Y'a plus de boss, Tyson peut se faire coucher par la Rancroft. On n'a plus de rêve, c'est pour ça que les frères sabotent. Je fais renaître l'espoir parmi les miens comme Big Saga. Ça dégoûte grave, c'est le son de la riposte. Y'a plus de boss, Tyson peut se faire coucher par la Rancroft. Toutes les thunes sont dans la liste, va. Et la mule a fugué. La star, c'est l'héroïne, c'est elle qui a tué nos aînés. On a des monstres au pouvoir pour des rebelles encore pires. Voici l'astéroïde qui s'écrase sur la planète crime. Les petites chez moi ne sont pas des anges, mais tu connais la musique. C'est la peine planchée ou les quatre planches comme nous caprasés. Souvent très mal rasés, l'air fatigué de vivre. J'écris mon destin indescriptible comme un hiéroglyphe. Dans la vie c'est comme au blackjack, faut savoir s'arrêter. Au sommet de la montagne je continuerai de grimper. Car chez nous persévérer c'est devenir comme Abu Dhabi. Certains rêvent du gros pactole en filochant le tapiste. Pris la main dans le sac, dans un cul-de-sac c'est le hubs direct. Même un chien droit son coin de trottoir au soleil. Le barillet chaud et vide, direction de l'adversaire. Nique le parasite, empêche le transit vers d'autres sphères. Ça roule à tombeau ouvert avec un cadavre dans le coffre. C'est l'insurgé qui vous tient en joue à la Kalachnikov. Rien à foutre si les toxicos veulent se piquer. Y'a des heures à la thèse où je vois que les frères sont tous bourrés. C'est tout pourri de grandir dans la zézère. Les drames à ce qu'on dit sont irrévocables comme l'Alzheimer. Adepte du système D, la vie est un coup de poker. Si tu ne vois plus le dessous des cartes, crois-moi que t'es dans la merde. Oui, oui. On n'a plus de rêve, c'est pour ça que les frères sabotent. Je fais renaître l'espoir parmi les miens comme Big Saga. Ça dégoûte grave, c'est le son de la riposte. Y'a plus de boss, Tyson peut se faire coucher par la Rancroft. On n'a plus de rêve, c'est pour ça que les frères sabotent. Je fais renaître l'espoir parmi les miens comme Big Saga. Ça dégoûte grave, c'est le son de la riposte. Y'a plus de boss, Tyson peut se faire coucher par la Rancroft. Modèle pour ceux qui savent.